9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-5, 7-7, 7-8. Arrondissement et département qui encercle Paris. Y'a pas que les champs et des monuments dans la ville de Paris. Des millions à vouloir des millions dans la région Paris. On n'a pas besoin de ton opinion dans la banlieue de Paris. Ok, c'est R.O. H de les Belle. Encore une boucherie fait par le petit Quel. Extérieur ou intérieur, comme le périphérique. On se procure tous les pouvoirs, car Paris est magique. Je passe le salam à toutes les villes de la Seu, France, Marseille, Dunkerque, Le Havre, Bordeaux, Lyon, Roux. J'en oublie, désolé, nos vies se passent à raisonner. Charbonner en attendant que la sonnerie de l'heure se mette à sonner. Trop de frères n'ont pas su talonner le ballon. On dévie la trajectoire et on finit au ballon. Trop de piges à faire, dur de se refaire. Quand le casier judiciaire est plus épais qu'un dictionnaire. Regarde ton petit frère, pour lui t'es exemplaire. Il reproduit ta carrière, c'est toi dis pige en arrière. C'est le quotidien que je crie et que je décris. Lève le bras bien haut si t'es issu des ghettos de Paris. Arrondissement et département qui encercle Paris. Y'a pas que les champs et des monuments dans la ville de Paris. Des millions à vouloir des millions dans la région de Paris. On n'a pas besoin de ton opinion dans la banlieue de Paris. Comme je te dis dans le refrain, on court tous après les thunes. Filoché dans nos cités par les condés de notre commune. On met des virgules plus imposantes que celles de Nike. La journée ça fait les mythos, garde tes euros pour la Nike. Ouais ouais, samedi soir sur les boulevards ou sur les quais. C'est le concours de celui qui joue mieux le rôle de blindé. Ok, pose la table, serveur je veux la plus chère. T'inquiète, cette semaine j'ai bien fait tourner mon rinter. Rendez-vous des voyous dans les boîtes d'Île-de-France. Les KRA s'apprêtent à faire la danse de la délinquance. L'ambiance est à la fête, pour être vu faut que tu te la pètes. Pose toutes les pépettes qui t'as fini en tête. Je connais la ville, moi je suis pas un touriste. On tamponne, on cartonne, vaut mieux s'assurer tout risque. Paris banlieue dans tous ses aspects, souvent sous des tunnels donc difficile de capter. Arrondissement et département qui encercle Paris. Y'a pas que les champs et des monuments dans la ville de Paris. Des millions à vouloir des millions dans la région Paris. On n'a pas besoin de ton opinion dans la banlieue de Paris. On habite dans la banlieue de Paris. Nombreux sont nerveux et ne font pas cra. Ça va faire mal mais combien tu pars. C'est la capitale, c'est la ville de Paris. On habite dans la banlieue de Paris. Nombreux sont nerveux et ne font pas cra. Ça va faire mal mais combien tu pars. C'est la capitale, c'est la ville de Paris. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-5, 7-8, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4. T'es toujours là à moi. Eh, c'est pour toi ça. 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-5, 7-8, 7-7. Carnage. Netflix volume 1, Mr. Chroma, Chroma, Chroma, Chroma.